Qu'est-ce qui définit vraiment le plaisir de conduire? Est-ce que c'est juste la puissance brute, l'accélération? C'est une bonne question. Ou est-ce que c'est autre chose? Une sorte de connexion où la voiture répond parfaitement à ce qu'on veut faire? Exactement. Chez Mazda, ils appellent ça le Jinba Itai. Voilà. La fusion entre le cavalier et sa monture. Et aujourd'hui, on a un exemple parfait de cette philosophie. Oui, tout à fait. On va parler d'une Mazda 3 que nous aurons bientôt. Alors, de quoi s'agit-il précisément? C'est un modèle mis en circulation en septembre 2021. D'accord. Elle a 58 600 km. Et c'est le moteur essence, le 2 litres Skyactiv G de 122 chevaux. Et point très important, avec une boîte de vitesse manuelle. Essentiel pour le plaisir, oui. C'est un modèle qui vient d'Allemagne et la finition est l'équivalent de la Style en France. Un super équilibre. Ce qui frappe tout de suite, avant même de démarrer, c'est son design. Ce style Kodo. Ah oui, c'est magnifique. C'est plus que du marketing. Ses lignes, ses reflets sur la carrosserie. Elle a une silhouette presque de coupé. C'est très fluide, très élégant. Elle a une vraie présence sans être agressive du tout. C'est exactement ça. Et le meilleur, c'est que la mécanique est à la hauteur de cette promesse. Ah, complètement. Sous le capot, on a un choix qui est assez audacieux aujourd'hui. C'est-à-dire? Un moteur 2 litres atmosphérique. Ah oui, donc pas de turbo. Oh, pas de turbo. Certains pourraient penser que c'est un retour en arrière, mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est un vrai pari sur l'intelligence mécanique et la durabilité. Et pour la personne au volant, ça change quoi concrètement? Ben, ça change tout. En fait, sans le turbo, la réponse à l'accélérateur est immédiate. D'accord, pas de temps de latence. Zéro. C'est linéaire, c'est pur. On sent exactement ce que le moteur est en train de faire. Et en plus, grâce à leur technologie, elle est étonnamment sobre. Donc on a la fiabilité et le ressenti. Voilà. C'est une mécanique faite pour durer et pour procurer des sensations authentiques. Et cette authenticité, elle passe aussi par la boîte manuelle, j'imagine. Ah, mais bien sûr. Le levier a des débattements courts, le verrouillage est ferme, précis. On retrouve le plaisir de passer les vitesses, quoi. Exactement. Ce n'est plus une corvée, c'est un dialogue avec la voiture. Et tout l'intérieur est pensé comme ça, d'ailleurs. Oui, l'ergonomie est quasi parfaite. Tout est tourné vers le conducteur. Et par un million d'écrans tactiles, on a des commandes physiques pour ce qui est important, comme la climatisation. Ça, c'est un vrai plus pour la sécurité. On garde les œufs sur la route. Bien sûr. L'écran central est là, avec Apple CarPlay et Android Auto, mais il se pilote avec une molette. C'est bien plus intuitif en roulant. Et le confort n'est pas oublié non plus. J'ai vu qu'elle avait les sièges avant et le volant chauffant. Oui, et ce n'est pas qu'un gadget, c'est ce qui permet d'être parfaitement à l'aise, détendu. Et donc, plus connecté à la conduite, surtout en hiver? C'est ça. On a même une caméra à 360 degrés pour se garer en toute sérénité. Au final, on a donc un ensemble d'une cohérence assez rare sur le marché. Tout à fait. C'est une voiture pour ceux qui cherchent une alternative, disons, plus fine, plus pure que les compacts habituels. Avec la fiabilité japonaise en prime. Évidemment. C'est vraiment une voiture avec une âme. Donc, pour résumer... Élégance, fiabilité et un vrai, un authentique plaisir de conduire. Une voiture qui communique. C'est la synthèse parfaite. Et pour celles et ceux qui seraient séduits, il faut noter que cet exemplaire sera disponible chez nous à partir de février ou mars 2026. Ce qui laisse le temps de se poser une dernière question. Je t'écoute. À une époque où tout s'automatise, où les voitures veulent presque conduire à notre place, quel prix on accorde encore au fait de sentir la route, de maîtriser sa machine et, au fond, de faire corps avec elle.